dans ma bulle. Je t'ai dit j'ai une place, j'en ai qu'une. Depuis partout, elle circule, grande comme la terre, petite comme une prune. Elle se nomme extraordinaire. Femme s'aime aux rondeurs si belles. Leur bulle part en perle sans billets de rappel. Je me ménage avec toi. Depuis partout, cela pullule. Dans le marais, on s'affiche. Les mâles s'aguichent. Défaut de gêne. Défaut de quoi? Des fois qu'on vous gêne. Avoir vraiment qu'on s'aime. Femme s'aime aux rondeurs si belles. Leur bulle part en perme sans billets de rappel.